Acte 1, acte 2, acte 3, gilet jaune. Mais avant tout, on est tous des citoyens. Et moi, j'ai besoin de parler de tous ces gens. J'ai besoin de les représenter. Parce que c'est nous le peuple. C'est nous le peuple. Une fois pas deux quand tu sors de la rue. Moi j'ai compris la leçon. Tout ça, ça se passe en bas de chez moi. Pas dans mon imagination. Première bavure. Et puis le lendemain, les flics nous caillassons. J'étais ce petit garçon qui dormait dans le bloc sur les paillassons. Une fois pas deux quand tu sors de la rue. Moi j'ai compris la leçon. Tout ça, ça se passe en bas de chez moi. Pas dans mon imagination. Première bavure. Et puis le lendemain, les flics nous caillassons. J'étais ce petit garçon qui dormait dans le bloc sur les paillassons. Ah. Je vais bientôt faire mes 15 ans. Je trimballe mon sac à dos, je vis déjà plus chez mes parents. Chaque journée c'est comme une nouvelle étape. J'ai l'impression de ne pas pouvoir voir l'horizon comme ce petit canasson dans son étable. Mon cœur est grand, c'est pas grave si les gens l'oublient. Je dois me débrouiller dans cette jungle de béton. Je suis Mowgli et je vois les gens passer, les belles voitures passer. Et là je me sens dépassé car je sens le temps passer. Ah. On peut pas rester de glace quand nous passons. Un petit bonjour, un sourire, c'est de l'amour ou de la compassion. Et ça me fait mal de voir autant de monde dans les refuges. Je l'ai pas connu mais je regrette ce fameux Coluche. Et ça me fait mal de voir quand t'as pas d'argent comment t'es traité. De voir que t'as même pas de quoi te nourrir quand t'es retraité. Finir sa vie tristement dans un petit hospice. Ou passer sa nuit dans un coin où d'habitude les autres pissent. Une fois pas deux quand tu sors de la rue. Moi j'ai compris la leçon. Tout ça, ça se passe en bas de chez moi. Pas dans mon imagination. Première bavure. Et puis le lendemain les flics nous caillassons. J'étais ce petit garçon qui dormait dans le bloc sur les paillassons. Une fois pas deux quand tu sors de la rue. Moi j'ai compris la leçon. Tout ça, ça se passe en bas de chez moi. Pas dans mon imagination. Première bavure. Et puis le lendemain les flics nous caillassons. J'étais ce petit garçon qui dormait dans le bloc sur les paillassons. Je suis en galère mais j'aime voir les sourires des gens qui sortent du restaurant. La nuit je suis seul, rares seront ceux qui à mes côtés resteront. 70 ans j'ai bossé toute ma vie, ils me l'ont gâché. Pour finir le mois je vais chercher les invendus du marché. Je suis SDF pour m'en sortir, je pourrais déplacer des falaises. Mais les gens me calculent pas même quand je suis à terre que je fais un malaise. Et je prétends pas avoir la solution à tout, mais j'ai la possibilité de le crier fort, c'est mon atout. D'ailleurs, attends, baisse l'instru là vite fait. Ouais, parce que ça fait quelques semaines, quelques mois, quelques années que j'ai trop de choses à dire. Je le crie haut et fort, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas tout seul à vouloir passer des messages. D'ailleurs, je voulais dire, attends, vas-y, l'oisif, vas-y, viens voir. J'ai une pensée pour Rémi Fraisse, ceux qui sont morts de leur bavure. Protéger nos terres, ça se voit que c'est pas dans leur nature. Bien sûr qu'on sature entre les coups et les fractures, entre les juges et les factures, les mensonges dans les actus. BFM CNews, ici personne les considère. Ils défendent leurs intérêts, ils excusent les violences policières. Respect aux CRS face à ceux qui se mettent en maladie. On commence à peine le mois et on a déjà du mal à le vivre. Merci à ceux qui se mobilisent, celles qui continuent le combat. Si le savoir est une arme, bien sûr qu'on a de quoi les combattre. Mesdames, messieurs, aujourd'hui les murs saignent au Capitole. Coup de matraque dans les guibolles, tir de flashball dans les banderoles. Depuis le début, je suis dans le cortège et j'ouvre ma gueule. Tout comme Jérôme, je sais très bien qu'ils m'ont à l'œil. Depuis le début, je suis dans le cortège et j'ouvre ma gueule. Comme Jérôme, je sais très bien qu'ils m'ont à l'œil. Une fois pas deux quand tu sors de la rue. Moi j'ai compris la leçon. Tout ça, ça se passe en bas de chez moi. Pas dans mon imagination. Première bavure. Et puis le lendemain les flics nous caillassons. J'étais ce petit garçon qui dormait dans le bloc sur les paillassons. Une fois pas deux quand tu sors de la rue. Moi j'ai compris la leçon. Tout ça, ça se passe en bas de chez moi. Pas dans mon imagination. Première bavure. Et puis le lendemain les flics nous caillassons. J'étais ce petit garçon qui dormait dans le bloc sur les paillassons.